Bongo, Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 28 juin 2021. Voici les titres, les grands titres de cette grande édition. Des consultations en vue de réajuster la loi sur la presse sont en cours depuis ce matin. L'idée, selon la ministre de la Communication, est d'adapter ce texte, notamment au contexte des nouvelles technologies de la communication et de l'information avec la présence des médias en ligne aujourd'hui. Un vendeur de produits de la brasserie en commune de Luhororo de la province Ngozi écope d'une amende de 500 000 francs burundais pour non-respect des prix officiels. Une sanction lourde selon le gouverneur, mais destinée à dissuader les autres spéculateurs, détaillant comme grossiste dans sa circonscription. Et la Société régionale de développement de la plaine de Limbo, SRDI, vient d'interdire l'exploitation dans son périmètre durant 5 mois, le temps de reconstruire le barrage hydro-agricole de Garoura. Les travaux commencent avec le mois de juillet. Le reporter du jour nous fera découvrir la vie difficile des employés de l'usine Rousseco qui exploitent de la pierre blanche pour produire du ciment. C'est en commune de Rugombo, de la province Chibitoke. Et dans la chronique sportive ce lundi, un connaisseur de la discipline nous donnera des éclairages sur les compétitions au sport dit « goalball » en anglais. C'est un sport pratiqué par des personnes aveugles. Voilà pour le sommaire. Bonjour. La loi sur la presse de 2018 sera bientôt révisée pour inclure des dispositions régissant les médias en ligne et les radios communautaires. Le ministre de la Communication et des Médias l'a dit ce lundi lors du lancement officiel de l'atelier d'échange sur la révision de ce texte, un atelier qui va durer 3 jours. Marie Chantal et Nijimbere trouvent que cette loi était lacunaire. Suivez la ministre Marie Chantal Nijimbere, la ministre de la Communication et des Médias. L'objectif ou le pourquoi du lancement du processus de consultation, c'est que la loi en vigueur aujourd'hui, on a constaté qu'elle est lacunaire sur 3 points. Le premier point, c'est que c'est la considération des nouvelles technologies de l'information, parce qu'aujourd'hui, on voit la prolifération des médias en ligne qui ne sont pas stipulés dans cette loi en vigueur aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'il y a de part sur le territoire national du pays des radios communautaires qui s'ouvrent et qui sont opérationnelles, mais qui ne sont pas cadrés au sein de cette loi en vigueur aujourd'hui au Burundi. La troisième chose, c'est le métier du journalisme, qui est un métier aujourd'hui dont les jeunes ont envie à faire partie. Mais le métier de journalisme est un art, alors on voudrait que la nouvelle loi sur la presse considère les 3 aspects, l'aspect des médias en ligne, l'aspect des radios communautaires et le statut des radios communautaires, et aussi cadre sur le métier du journalisme au Burundi. Nous comptons corriger la violation des mœurs ou de la culture burundaise à travers les réseaux sociaux dans cette nouvelle loi qui sera révisée. D'abord à travers la régulation des contenus ou la régulation de la désinformation au Burundi. Parce que avec la prolifération des médias en ligne, il y aurait lieu d'importer d'autres cultures ou il y aurait d'importer d'autres films qui iraient en outrance à la culture burundaise. Marie Chantal Nijimbere, ministre de la Communication et des Médias, dont les propos ont été recueillis par Francine Ndiokougaïo. Les organisations de la société civile sont appelées à toujours s'inscrire dans la ligne de leur plan d'action, comme cela figure dans l'ordonnance d'agrément du ministère ayant l'intérieur dans ses attributions. Propos du président de la CNIDH ce lundi à Mouranvia, dans un atelier de 3 jours pour mettre en place une stratégie de collaboration avec ces organisations. Sixte Vignini Mouraba dit que même les organisations de ceux qui ne sont pas au pays peuvent regagner le pays pour donner de vrais rapports. Arthur Kavabushi, reportage. Selon le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Sixte Vignini Mouraba, les organisations de la société civile sont priées de rester dans la ligne de leur plan d'action. Et le message que nous voulons livrer aux organisations de la société civile, c'est d'abord de reconnaître qu'ils ont un plan d'action, ils ont des activités prioritaires qu'ils ont proposées au ministère de l'Intérieur pour montrer leur secteur d'action. Donc il faut qu'ils se concentrent sur leurs activités d'aider plutôt que de changer, parce que s'ils changent, ça veut dire qu'ils n'auront pas d'expérience nécessaire pour pouvoir juger en cas de besoin. Et surtout qu'il y a même des organisations de la société civile qui ont des moyens limités qui pourraient bénéficier d'un financement, et d'ici et là, il faut qu'ils soient quand même au courant que même s'il y a un financement disponible, l'essentiel n'est pas de courir derrière ce financement, mais aussi de pouvoir garder la ligne qu'ils se sont fixés au moment de leur agrément. Oui, quelquefois il y a des dérapages quand au lieu de faire des activités qu'on a prévues, qu'on s'est donné à faire, on recourt à d'autres activités qui ont le financement. Je peux donner l'exemple d'une organisation de la société civile qui serait engagée dans la lutte contre la corruption, mais qu'au moment des élections se voit déjà imprégnée dans le monitoring électoral, alors que ça c'est un autre domaine. Et il y a des risques qu'on puisse cheminer un mauvais résultat parce qu'on n'a pas l'expérience requise pour pouvoir faire ce monitoring électoral. Ce responsable indique également que même les organisations dont les membres travaillent à l'extérieur du pays devraient regagner le pays pour le bien du pays. Et ce serait bien quand même qu'ils donnent des informations fiables et vérifiées, parce qu'il y a des fois où ils contribuent à disséminer des informations fausses et même des rumeurs. Ce serait bien que même s'ils sont capables de retourner au Burundi pour pouvoir œuvrer avec les autres organisations de la société civile qui sont ici au Burundi, parce que quand vous êtes sur terrain, vous vous rendez compte de la réalité et c'est facile de divulguer des informations vraiment très vérifiées, et contrairement à ceux qui se trouvent à l'étranger et qui ne se font que se procurer des informations de la part d'une ou d'une autre personne qui pourrait être et même politiquement intentionnée à changer l'image du pays. Cet atelier de mise en place des stratégies de collaboration avec ces organisations de la société civile va durer 3 jours. Depuis Muramvya, Arthur Kavabushi, Radio Sanganiro. Merci Arthur Kavabushi. L'archidiocèse de Bujumbura a organisé ce dimanche une activité de réconciliation entre les victimes de différentes crises qui ont endeuillé les familles au Burundi et leurs bourreaux. L'activité a été organisée au sein de la paroisse Kivoga, en commune Mbouye de la province Muramvya, où 1337 chrétiens se sont réconciliés. Le responsable du projet Paix et Réconciliation dans l'archidiocèse de Bujumbura dit que ce n'est pas de l'ingérence dans les activités de la commission Vérité et Réconciliation, mais que c'est plutôt la mission de l'Église depuis sa création. Suivez plutôt les explications de l'abbé Anissé Chumbosho. Il est secrétaire exécutif de la commission Justice et Paix de l'archidiocèse de Bujumbura. Il est au micro de Fidèle d'Antoine Sabimana. Et nous venons de célébrer la célébration des mémoires. C'est une activité qui a été prévue dans le cadre d'un projet autour de la cohésion. Il a été question de rassembler toutes les personnes qui ont été affectées, blessées même par les crises répétitives qu'a connu le Burundi, pour les amener à parler. Dans de petits groupes, on arrive quand même à identifier les causes, les conséquences et à compatir. Et donc, aidé par l'évangile, la lumière de l'évangile, bien sûr, et de l'Esprit Saint, et c'est là où nous avons pu faire mémoire de ces personnes-là, et surtout permettre à ces personnes qui ont été affectés par ces crises répétitives, de pouvoir faire le pas vers la vérité et construire une société réconciliée. La commission diocésaine Justice et Paix a reçu comme mission de se pencher davantage sur l'axe numéro 5, l'axe paix-réconciliation. Et nous comptons commencer déjà à mettre en place des activités, de rassembler en vue de mettre en œuvre les vœux de notre synode. La pastorale de la réconciliation, c'est la pastorale propre à l'Église. Avant même la naissance officielle de l'Église, quand l'homme a péché, Dieu lui-même est venu le chercher pour faire son premier pas. Jésus lui-même est venu nous réconcilier avec le Père. C'est-à-dire que la mission de réconciliation, c'est la mission propre de l'Église. Si l'État, si d'autres structures sont à l'œuvre pour essayer de bâtir une société réconciliée, ils sont bienvenus. Mais nous, pour ce qui nous concerne, que personne ne pense qu'il s'agit de l'ingérence dans la mission qui est propre à d'autres structures, c'est vraiment la mission propre qui nous a été confiée par le Christ, de réconcilier les personnes avec Dieu et de les réconcilier entre elles. C'était l'abbé Anissé Chumbucho, secrétaire exécutif de la commission justice et paix de l'archidiocèse de Bujumbura. Vous êtes branché sur Isanganiro. Il est 13h07 à Bujumbura. Une pause et le journal continue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Un vendeur de produits Brarudi de la commune Ruhororo en province Ngozi s'est vu frappé d'une amende de 500 000 francs burundais pour non-respect des prix officiels, une amende jugée excessive pour certains. Mais le gouverneur de cette province explique que cette mesure revêt un caractère dissuasif en ce moment où bon nombre de tenanciers de débits de boissons et grossistes semblent dépasser la limite dans la spéculation. Cette autorité demande à la population de dénoncer d'autres qui continuent à faire la sourde oreille au respect des prix officiels en fixant des prix de leur gré. Apollinaire Mutsagara. Alexis Ndakoumana, c'est ce commerçant qui a été taxé d'une amende de 500 000 francs sur la quittance. Il est mentionné qu'il est sanctionné pour avoir revu à la hausse les prix des produits Brarudi. Celui-ci est puni au moment où la plupart des détaillants et grossistes de ces boissons se fixent les prix à volonté en gauze. Pour illustration, la Primus s'achète à 2000 francs bou chez certains contre 1600 francs normalement vendus. Même chose pour la petite bouteille Bock qui se vendait à 1600 francs. Elle est actuellement à 2000 francs. Ces commerçants indiquent que ces produits sont rares en Ngozi et qu'ils ont du pain sur la planche à en avoir aux prix officiels ces jours. À ceux qui parlent d'une amende administrative exorbitante de 500 000 francs bou, certains administrateurs expliquent que cette amende est fixée selon la gravité de la faute, avançant par exemple des cas de récidivistes. Et puis Paul Debaranikwa, gouverneur de Ngozi, parle des sanctions dissuasives à son moment de récalcitrance. Il invite la population à la vigilance en dénonçant de tels commerçants spéculateurs. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sanganiro. Merci Apollinaire. Et le prix de l'huile de palme n'a pas changé malgré l'interdiction de son exportation. Des commerçants trouvés sur le marché de Kinama de la zone Nahangwa, à mairie de Bujumbura, disent qu'un litre et demi reste vendu à 5 000 francs burundais au moment où, avant la hausse, cette quantité s'achetait à 3 000 francs. Les commerçants et les clients demandent aux autorités habilitées de suivre de près cette question. Le constat d'Ornella Mouch. Dans différents marchés comme à Kinama, c'est en commune Nahangwa, le prix de l'huile de palme reste celui fixé avant que le ministère ayant dans ses attributions l'intérieur interdise l'importation de cette huile. Suite à sa carence et à sa hausse, l'une des commerçantes trouvées au marché de Kinama précise que la somme majorée varie entre 3 000 et 30 000 ou plus, dépendamment de la quantité achetée. L'une des clientes trouvées à ce même marché dit qu'il est difficile de satisfaire ces derniers jours les besoins familiaux suite à la hausse de différents produits dont l'huile de palme. Cela est également constaté au marché d'Ikotebu. Tous demandent aux autorités habilitées de prendre en main cette question. Ces commerçants soulignent que cette hausse s'observe également sur l'huile de coton où actuellement un bidon de 25 litres s'achète à 115 000 francs burundais alors qu'avant c'était entre 60 000 et 70 000 francs burundais. Ornella Mucho, rappelons que le ministère de l'Intérieur a récemment pris la mesure de suspendre l'exportation de l'huile de palme. Le porte-parole du ministère a indiqué au cours de l'émission publique tenue par les porte-paroles des institutions vendredi dernier au chef-lieu de la province de Makamba que l'huile de palme était exportée frauduleusement. Suivez plutôt Pierre Ngurikiye dans cette traduction de Jean de Dieu Irakodze. Notre réaction sur cette question est que cette décision prise par le ministre est venue comme rappel car, comme vous le savez, les cultures de première nécessité ne sont plus exportées depuis un certain temps dans l'optique de protéger notre production. Cette décision a été prise suite aux lamentations de certains citoyens burundais arguant que l'huile de palme deviendrait de prise en prix rare ces derniers jours. Suite à cette interdiction d'exporter les produits vivriers, ceux qui exerçaient ce commerce le faisaient en clandestinité. C'était le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Vous saurez qu'il a été constaté sur les sites de l'OBR et de la BRB que l'huile de palme ne figure pas sur la liste des marchandises à exporter. Il est 13h10 à Bujumbura. et les cultivateurs encadrés par la Société régionale de développement de la plaine de Limbo, SRDI, craignent une éventuelle famine car ils ne vont pas exploiter le périmètre de la SRDI pendant une période de 5 mois. Cette interdiction est consécutive aux travaux de reconstruction du barrage hydroagricole de Garoura qui commence avec le mois de juillet, selon les responsables à la SRDI. Le directeur général de cette société, Félix Habonimana, demande aux cultivateurs de respecter la mesure. Spes Caritas Kawanyana pour les détails. Après les récoltes du riz, les cultivateurs encadrés par la Société régionale de développement de la plaine de Limbo, SRDI en sigle, ont l'habitude de cultiver sur les mêmes terrains les cultures vivrières comme le haricot, la patate douce, le soja et autres, surtout pendant la saison sèche. Mais actuellement, ils ne vont pas cultiver durant 5 mois, selon les responsables de la SRDI, suite aux travaux de reconstruction du barrage hydro-agricole de Gatura qui s'est écoulé au mois de mars suite aux pluies intenses. Ces cultivateurs craignent une certaine disette quand les récoltes actuelles seront terminées. Ceux qui ont déjà planté les cultures vivrières ne pourront pas continuer à entretenir leurs champs car les canaux d'irrigation vont bientôt être fermés suite à ces travaux de construction du barrage de Gatura. Dans un communiqué sorti dernièrement par le directeur général de la SRDI, il précise que ces travaux vont durer au moins 5 mois à partir du mois de juillet. Félix Habonimana, directeur général de la SRDI, demande aux cultivateurs de respecter la mesure car l'irrigation des champs n'est pas possible avant la fin de ces travaux. Spécialitas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. À la source, reportage. Je l'avais dit dans les titres, notre reporter nous emmène en commune Rugombo de la province de Cibitoke où des employés dans l'exploitation de la pierre blanche destinée à la fabrication du ciment vendu par la société Bouseco disent vivre de ce travail péniblement. Entre autres problèmes, ils parlent de retard de leur rémunération et des tuyaux cassés par des bennes collectant la pierre produite. Et sur ce, le superviseur des travaux fait savoir que la paye se fait selon l'accord avec les employés. Et pour ce qui est de la destruction des tuyaux, le chef de colline dit en être au courant et que c'est une question en train d'être traitée. Mireille Kanyang. Floride et Chantal figurent parmi une quarantaine d'autres femmes qui cherchent à faire vivre leur famille à longueur de journée par le ramassage d'une pierre blanche en des éléments dans la fabrication du ciment type Bouseco. Je les rencontre sur un des sites d'extraction de cette pierre. 48 femmes au total sur 263 hommes. Très peu nombreuses dans ce travail. Laurent Nzeimana, superviseur des travaux, explique cet état de fait par rapport à la force physique. Les employés à cette coopérative et fournisseurs de matériel de construction de Rugombo disent avoir des difficultés, notamment liées au retard de paiement. Avant, ça demandait 2 semaines, disent-ils, mais maintenant, c'est un problème. Un autre défi évoqué sont des eaux de pluie qui inondent parfois leur maison. Ces employés parlent également d'un problème d'approvisionnement en eau potable suite aux tuyaux qui seraient cassés par des bennes ramassant cette matière première, en fait rejetée par le superviseur des travaux à ces 3 sites, mais pourtant reconnue par Adrien Hatungimana, chef de colline Marambo 2 en commune Rugombo, qui indique qu'il s'est entretenu avec l'administrateur communal sur ce cas. La question de ces tuyaux fait que la population se plaigne car ici sur la 3e avenue, nous avons un tuyau avec un seul robinet. Et puis, il arrive qu'ils sont détruits par des véhicules. Ce n'est pas pour dire qu'ils sont détruits par cette population qui fait l'extraction du gravier. C'est parfois les véhicules qui viennent charger ce gravier qui les détruisent. Mais on intervient à temps pour régler cette situation et ils se chargent de la réparation. Malgré ces difficultés, ces employés disent tirer profit de ces travaux qui viennent de durer 4 ans à ces 3 sites. Radio Isanganiro, chronique sport. Les compétitions au sport dit goalball en anglais, pratiquées par des personnes aveugles, sont officiées par 2 arbitres principaux en collaboration avec leurs assistants chargés d'écrire les points des compétiteurs. Cassien Vizabigomba, directeur technique adjoint au sein du Comité national paralympique, fait savoir qu'il existe une autre catégorie d'arbitres chargés de surveiller les fautes des entraîneurs. Les détails avec Marie-Claire Kazenetz. Le match de goalball est arbitré par un groupe d'officiels qui ont des fonctions différentes lors des compétitions. Propos de Cassien Vizabigomba, directeur technique adjoint au sein du Comité national paralympique. Le match de goalball est arbitré comme tant d'autres jeux, soit olympiques ou paralympiques. C'est-à-dire qu'il y a un groupe d'officiels. On dit officiels et non pas arbitres. Les arbitres sont inclus dans les officiels. C'est-à-dire que les officiels, c'est une équipe qui est composée de deux arbitres que vous voyez chaque fois juger les fautes ou tout consort qui se passe au terrain pendant le jeu. Il précise que parmi ces officiels, il y a les commissaires des matchs, les marqueurs des points ainsi que les juges. Il y a d'autres qui sont à la table et autres qui sont là pour juger autrement. C'est-à-dire que il y a des commissaires de match, il y a des marqueurs, donc il y a des juges, il y a beaucoup de gens dans les équipes d'officiels. Au goalball aussi, nous avons les deux arbitres et une équipe d'autres officiels qui sont sur la table de marque. Les deux arbitres qui arbitrent le match sont tous au même pied d'égalité, selon toujours Cassier Vizabigomba. Ce que vous pouvez retenir, c'est qu'entre les deux arbitres qui sont sur le terrain, sont tous au même pied d'égalité. C'est-à-dire que n'importe qui doit siffler ou bien doit faire tout signe sur toute faute commise par n'importe qui. C'est-à-dire que tous les deux arbitres sont au même pied d'égalité. On ne dit pas premier arbitre ou deuxième arbitre, non. Tous les deux arbitres sont au même pied d'égalité. Ce directeur technique adjoint au sein du Comité national paralympique ajoute que les arbitres donnent des points en se référant aux lois régissant le sport de goalball. Pour marquer des points, c'est comme au cours de tout autre jeu. On marque les points pour les gagnants. Si quelqu'un gagne, automatiquement il gagne aussi le point. C'est-à-dire que si le ballon est bien tiré, si on tire bien, la balle entre dans le bois ou bien au goal, l'équipe gagne automatiquement un point. Les officiels qui sont à la table de marquent automatiquement un point pour l'équipe gagnante. Dans la prochaine chronique sportive, Cassier Vizabigomba expliquera les critères pour devenir un arbitre de goalball. Merci Marie-Claire Kazeneza. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Séraphine Hakizimana au micro, Jean Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes. Il est bientôt 13h20 à Bujumbura et sur Isanganiro. Bon après-midi.